C'est votre valise, monsieur. Oui, c'est ma valise. La chambre numéro 3 est au premier étage. Toutes les chambres sont au premier étage, n'est-ce pas? Votre chambre, mademoiselle, est au cinquième. Vous avez une vue magnifique sur le jardin. Il y a des fleurs toute l'année, mademoiselle. C'est vrai? Oui. Enfin, presque toute l'année. C'est parfait. Est-ce que j'ai une vue magnifique, moi aussi? Vous êtes au deuxième étage. Vous avez le garage, la cuisine, et les poubelles. Ah non, alors! Je voudrais une chambre convenable. Allons, Paul. Oh, il n'aime rien, mon frère. Voilà vos clés. La clé de la chambre numéro 3, la clé de la chambre 4 et la clé de la chambre 10. Et voilà l'ascenseur. Vous voulez monter dans l'ascenseur, messieurs, dames? Oh oui, merci. Je suis fatiguée. Oui, merci. Et vous, mademoiselle, est-ce que vous voulez monter aussi? Merci. Vous n'aimez pas les ascenseurs? Non, je n'aime pas les ascenseurs. Je préfère les escaliers. Moi aussi. Voilà l'escalier. Venez avec moi.